conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, émission spéciale. J'ai l'honneur et la joie de recevoir les frères Cohen-Tanouji. Claude, l'aîné. Bonjour Claude Cohen-Tanouji. Bonjour Étienne. Vous êtes physicien, professeur émérite au Collège de France. Et en 1997, vous avez obtenu le prix Nobel de physique pour vos travaux concernant le refroidissement d'atomes par laser. Et vous publiez une sorte d'autobiographie envahie de science qui s'intitule « Sous le signe de la lumière, itinéraire d'un physicien dans un monde quantique ». C'était vraiment un honneur de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis le second frère, Gilles Cohen-Tanouji, également physicien. Bonjour. Bonjour, vous êtes physicien des particules. Vous avez effectué votre carrière au CEA. Et j'aimerais vous interroger sur vos itinéraires respectifs, vos souvenirs communs ou différents, et voir comment votre trajectoire vous a mené tous les deux au plus haut niveau dans le domaine de la physique, dans des champs différents. Vous, Claude Cohen-Tanouji, c'est plutôt l'atome, la lumière, la physique atomique. Et vous, Gilles, c'est plutôt la physique théorique, la physique des particules. De plus en plus la cosmologie. Voilà, les interactions fondamentales. Alors, Claude Cohen-Tanouji, j'avais une première question à vous poser qui m'est venue en lisant l'autobiographie d'Einstein qu'il a écrite en 1947. Enfin, il appelle ça autobiographie, mais en réalité, il parle surtout de science. Un peu comme vous, d'ailleurs, puisque dans votre autobiographie, j'ai compté, il y a 60 pages d'autobiographie proprement dite et puis il y a 120 pages de physique. Est-ce que ça veut dire que vous êtes existentiellement intriqué à la physique? Oui, je pense que la physique, j'ai commencé dès le début de ma carrière scientifique et je ne l'ai jamais quitté. Ma fascination, ça a toujours été la lumière. Comprendre ce qu'est la lumière, qu'est-ce qu'elle nous révèle sur le monde microscopique des atomes, et qu'est-ce qu'elle nous révèle aussi sur le monde macroscopique de l'univers. Mais est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous vous êtes dit, finalement, la lumière, c'est un sujet qui me passionne et qui va Comme je dis dans le livre, ça a été surtout d'écouter les cours d'Alfred Kastler. Mais ça, c'est tardif. Vous aviez plus de 20 ans. Oui, mais à l'époque, malheureusement, les cours à l'université... c'était pas très avancé. Et puis, on parlait pas du tout de la physique quantique. Pour comprendre la lumière, la physique quantique est essentielle. Et vous êtes né en 1933. Et à quel moment est-ce que vous avez entendu parler de physique quantique pour la première fois? Vous vous souvenez? Je crois que c'est quand je suis rentré à l'école normale supérieure que j'ai eu les cours. Même en classe préparatoire? À peine. C'était à peine évoqué. Et vous, Gilles, est-ce que vous avez des souvenirs de la première fois où vous avez entendu parler de la constante de Planck, par exemple? Ah oui, j'en ai entendu parler effectivement en classe préparatoire, parce que je suis entré à l'école polytechnique en 58, donc c'est 5 ans après Claude, j'ai toujours été 5 ans après Claude. Effectivement, on commençait à nous en parler un petit peu en physique, en chimie, c'est surtout en chimie qu'on nous parlait de la constante de Planck. Effectivement. Mais on ne peut pas dire qu'il y avait beaucoup d'explications sur la physique quantique. Alors si j'ai parlé d'Einstein, c'est parce qu'il écrit dans ce texte que je viens d'évoquer cette phrase. L'essentiel dans l'existence d'un homme de mon espèce réside dans ce qu'il pense et comment il pense, non dans ce qu'il fait ou souffre. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est curieux parce que vous dites dans l'introduction de votre livre, Claude Cohen-Tanouji, que vous avez hésité à l'écrire et vous dites « Je craignais qu'une telle entreprise ne soit interprétée comme une marque d'autosatisfaction ». Alors, oui. Quand on connaît votre humilité, on s'étonne. Oui. Non, c'était en fait ma motivation fondamentale, c'était de rendre un hommage. Un hommage à mes parents, à mes professeurs, en particulier à Alfred Kastler, à mes élèves et à ma famille. Donc c'était ça ma motivation essentielle. Et puis aussi, j'ai passé quand même plus de 60 ans dans la recherche et dans l'enseignement, et je voulais passer un message, expliquer aux hommes politiques, au grand public, en quoi la recherche est importante et en quoi c'est une œuvre de longue haleine qui nécessite un effort continu pendant plusieurs années. Et est-ce que les souvenirs que vous évoquez vous sont revenus en écrivant ou est-ce que bien sûr. Ça a fait apparaître des nouveaux souvenirs? Bien sûr. Ça m'a beaucoup ému d'écrire ce livre parce que, en particulier avec ma famille, avec mon frère Gilles, ma sœur Jocelyne, mes parents, on a essayé de reconstituer un certain nombre de souvenirs de notre enfance. Oui, alors vous parlez de l'origine déjà de votre nom, Cohen-Tanouji. Alors Cohen, c'est le prêtre. Oui. Et Tanouji, c'est Tanger, c'est le prêtre de Tanger. Ça veut dire que notre famille, à un moment donné, a passé un certain temps à Tanger. Vous êtes né en Algérie, à Constantine. Oui. Donc en 1933, vous venez de le rappeler. Et quel souvenir vous gardez de l'Algérie? Vous parlez, par exemple, d'une sorte d'émeute antisémite, oui, qui s'est produite en 1935. 35, vous aviez deux ans, ou un an, oui, vous n'avez pas de souvenir. Mais j'en ai entendu parler par mes parents, ça a été terrible, parce que leur appartement a été brûlé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un juif qui avait été accusé d'avoir uriné contre un mur, c'est voilà, ça? Voilà, c'est ça. Il y avait le bruit, enfin, ils ont fait courir le bruit qu'un juif aurait uriné sur les murs d'une mosquée. Ça a déclenché. Et 25 morts. Oui, 25 morts, et plusieurs appartements brûlés. Donc ça a été un épisode tragique, surtout pour mes parents. Moi, comme vous dites, j'avais deux ans, je ne m'en rendais pas bien compte. Et puis, donc on est parti à Alger, parce que, en plus, une épidémie typhoïde au cours de laquelle trois de mes sœurs sont mortes. Et puis, mon père était très modeste. Il avait un petit magasin de mercerie. Et il y avait un boycott des magasins juifs. Donc, les situations financières devenaient critiques. Ils sont partis à Alger. Bon, toute la famille est partie à Alger. Et là, donc, pour eux, ça a été quand même difficile, parce qu'ils quittaient Alger, ils quittaient Constantine, où ils avaient tous leurs amis, tous leurs parents. Et Alger, c'était déjà une grande ville, hein, pour eux. Et puis, Alger, malheureusement, c'était pas fini, les tribulations, parce que c'était le gouvernement d'ici, oui, qui prenait des mesures antisémites, tragiques. Notamment l'abolition du décret Crémieux. L'abolition du décret Crémieux, qui avait 1940. Ouvert des perspectives importante à tous les juifs qui vivaient en Algérie, ça leur donnait le statut de citoyen français. Et ça a été pour eux quelque chose d'énorme. On découvre en vous lisant, Claude Kondadji, quelque chose d'incroyable, c'est que votre père a donc été, à cause de l'abolition de l'abrogation de ce décret, déchu de la nationalité française, alors qu'il avait combattu au chemin des dames. Bien sûr. Sous les ordres de Pétain. Oui, bien sûr. Mais c'était le cas de tous les juifs qui vivaient en Algérie, ils étaient devenus apatrides. Et vous racontez que vous avez reçu le prix du meilleur élève en classe de CM1, et le professeur, l'instituteur a dû vous expliquer que, à cause de cette abrogation, il ne pouvait pas vous remettre le prix. C'est ça. Comment ça marque un enfant de 9 ans, c'est ça? On ne comprend pas. Pour un enfant de 9 ans, c'est incompréhensible. Pour mes parents, ça a été extrêmement douloureux, parce que pour eux, l'école, c'était une institution absolument essentielle. Et voir de telles pratiques dans l'Écosse, ça a dépassé l'entendement. Donc il y a la perte de la citoyenneté française, qui est, comme vous le dites, tragique pour une famille comme la vôtre. Et puis il y a ce débarquement américain qui se déroule en novembre 1942, comme où les Français tirent sur les Américains, et sur les GI. Oui. Et la ville est bombardée. Vous étiez né, vous, Gilles, à ce moment-là. Nous étions bombardés tous les soirs, parce que les Allemands avaient des bases en Sicile, ils venaient bombarder le port d'Alger, où il y avait beaucoup de navires américains. Donc vous, Claude, vous aviez 9 ans en 1942, ans, oui, et Gilles, 4 ans, les souvenirs sont là. Alors j'ai quelques souvenirs, effectivement. Là, par exemple, le lendemain du débarquement, nous étions avec ma mère et ma petite sœur, nous étions sur le balcon, et nous avons assisté à un combat aérien. Parce qu'il y avait des avions de reconnaissance allemands qui sont arrivés, puis qui ont été interceptés par des chasseurs. Et donc c'était assez effrayant, on entendait le bruit. Ma mère nous a ramenés, nous a dégringolé les escaliers pour nous amener à la cave. Et j'ai un souvenir très précis de ça. Et alors, on peut dire que nous avons vécu la guerre, là, c'est vraiment la guerre. Et la guerre, pour nous, ça a été pendant les 3 mois qui ont suivi le débarquement, où toutes les nuits, les avions allemands venaient bombarder, quoi. Et puis alors on regardait s'il y avait de la lune, si c'était clair qu'il y avait de la lune, on dit ce soir on va voir des gros bombardements, effectivement. Et c'était une impression assez terrible. Et puis par la cave, par le soupirail, on pouvait les voir le ciel zébré des traces de mais de notre côté, il y avait beaucoup d'enfants dans la cave. C'était une occasion de jouer ensemble. C'était une occasion de jouer, voilà. Bon, oui. Et alors, après, dans la journée, on allait sur le balcon et on ramassait les éclats d'obus. On les collectionnait. Et alors, il y a eu un autre aspect qui était très intéressant, c'est que, donc, pendant toute cette période, donc Alger était vraiment un peu le centre de la contre-offensive des Alliés contre l'Allemagne. Et donc, on voyait arriver des tas de gens, des soldats de toutes les nationalités. Ils avaient des cartons d'allumettes et on faisait la collection de ces cartons d'allumettes. Puis il y avait, dans notre immeuble, au même étage que nous, il y avait un officier américain qui avait réquisitionné un logement. Alors, ils nous donnaient des chewing-gums, des bonbons. Ils nous donnaient. On avait adoré le beurre de cacahuète. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc on garde ces souvenirs. Donc, nous avons vécu vraiment la guerre. Et, mais très rapidement, nous avons vu que Alger était en train de devenir la capitale de la France. La capitale de la France. Gouvernement provisoire, qui s'est trouvé. Gouvernement provisoire de la France libre. Mais alors, comment vous êtes venu à l'un et à l'autre le goût pour les mathématiques, pour la physique, alors que, comme vous le dites vous-même, votre milieu familial ne vous portait pas, sauf que les... Si vous voulez, Alger est devenue la capitale de la France, c'est devenu une grande ville, et on a fait nos études tous les deux à ce qu'on appelle le lycée Bugeaud. Là où c'était le grand lycée d'Alger. Le lycée où Albert Camus avait fait ses études, et qui maintenant, je crois, s'appelle le lycée Abdelkader. Voilà. On a été débaptisé. Mais là, moi, j'ai trouvé les professeurs absolument exceptionnels, aussi bien dans le second degré que dans les classes préparatoires. Des professeurs qui étaient vraiment dévoués à leur enseignement à 100% et puis qui essayaient de communiquer à leurs élèves la passion d'apprendre. Et bon, comme j'avais des très bonnes notes en mathématiques du secondaire, hein, ils m'ont conseillé plutôt que d'aller faire la médecine, qui était un petit peu la voie royale pour les familles à l'époque, ils m'ont conseillé de prendre les classes préparatoires. Et là, j'ai eu encore des professeurs encore plus exceptionnels. Tellement exceptionnels que nous avons fondé des anciens élèves de la classe de mathématiques spéciale, qu'on appelle la TOP. On a fondé une association ATA, Association de la TOP d'Alger, ou encore Association de la TOP arabe, qui se réunit tous les ans pour évoquer les souvenirs de cette année passée avec ses professeurs. Mais il vous est arrivé quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que vous avez passé les concours. Et alors, j'ai passé les concours. Vous avez été reçu à Polytechnique, et vous êtes allé trouver votre père pour lui dire... Non, mais c'était papa. Presque reçu à l'école normale supérieure. Oui, mais... Il manquait une place. D'accord, et vous avez dit à votre père, je veux recommencer parce que... Je veux recommencer, j'ai envie. Non, mais j'ai envie, parce que j'avais été séduit par les interrogations à mais l'oral. Vous étiez venu à Paris pour passer les concours. Oui, donc voilà. Oui. Les oraux. Les oraux. On était déjà... Ah oui, vous avez raison. On est venu à Paris pour passer les oraux. Et l'ambiance de l'école normale vous a davantage vraiment plu ? Vraiment, c'est lui. Parce que les professeurs étaient... nous gardaient une heure. Ils posaient des questions très intéressantes. Et puis l'ambiance de l'école nous avait paru extraordinaire. Bon, ceci dit, l'école polytechnique aussi est fantastique. D'ailleurs, mon frère Zil a été reçu 5 ans après à l'école polytechnique. Mais à l'époque... Mes parents, mon père, gardaient encore le souvenir de l'affaire Dreyfus. Ah. Qui avait été un traumatisme, même. Ils gardaient aussi le souvenir de militaire. Dreyfus était polytechnicien. Qui appliquait les mesures antisémites avec énergie. Donc, ils n'étaient pas tellement enthousiastes. Ils n'étaient pas très enthousiastes de l'école politique. Ça n'a pas été le cas 5 ans après, quand mon frère rentrait à l'école politique. Ça avait changé complètement. Donc vous avez recommencé une classe. Recommencé, ce n'était pas facile. Si vous dites que vous suiviez les cours avec beaucoup plus d'aisance qu'en 3,5, comme on dit. La taupe, quand on a passé une année de taupe, on apprend beaucoup de choses. Et quand on la recommence, on a déjà un bagage important et c'est plus facile. Donc vous intégrez, vous êtes reçu à l'école normale supérieure. Deuxième. Vous vous souvenez de la réaction de vos parents qui devait être... Oui, c'était très content, et moi aussi, bien sûr. Et là, vous découvrez une sorte de... C'est un monde nouveau. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Et... D'abord, la vie à Paris, hein, qui n'est pas la même. On est tout seul, hein, on n'a plus ses parents à côté de soi. Mais de l'autre côté, on mange ensemble, littéraire et scientifique. Ça aussi, c'est quelque chose dont je n'avais pas l'habitude. Et puis, on suit les cours, en plus des cours d'université, les cours donnés par des professeurs qui travaillaient à l'école normale supérieure. Et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois Alfred Kastler, qui donnait des cours de physique. Il y avait aussi Henri Cartan, le fils d'Élie Cartan, un des plus grands mathématiciens du siècle dernier, qui donnait des cours de mathématiques. Laurent Schwartz, qui donnait des cours absolument éblouissants. Et bon... Là, c'était quand même... Moi, au début, j'étais ébloui par les cours de Schwartz. Mais Kastler était encore plus éblouissant parce que il était extrêmement sympathique avec les étudiants. Il s'occupait de eux. Il leur posait des questions. Et il me rappelait un peu mon père. Kastler, pour moi, dans la Suisse, il était ascensionné. Un second père. Vraiment, c'était un second père pour moi. Et puis, il expliquait, alors, la physique quantique avec des images poétiques. qui me séduisait. Et comment l'avait-il acquise? Il était parti aux États-Unis? Non. Il a une trajectoire très, très française. Hein. Il est né à Guebwiller, dans l'Alsace. En Alsace. Et puis, bon, il a été d'abord professeur de lycée. Et donc, il a gardé un attachement émouvant pour l'enseignement secondaire. Il a été professeur de lycée, puis assistant à la faculté, passé sa thèse avec Pierre Dor à Bordeaux. Et puis, après la déportation et l'assassinat des trois physiciens, Henri Abraham, Eugène Bloch et Georges Bruat, qui étaient enseignants à l'école normale supérieure, il a été appelé pour remplacer Georges Bruat qui partait aux États-Unis. Il est entré à l'école normale supérieure. Mais je pense qu'il a appris la physique quantique par les cours de Eugène Bloch, qui, comme lui, était alsacien, qui parlait allemand et qui donc l'a initié à tous les grands maîtres de la physique allemande. Planck, qu'on évoquait tout à l'heure, Bohr, Einstein. Heisenberg. Donc il a eu cette formation. Et puis ensuite, il a eu un élève extraordinaire qui était Jean Brossel. Et comme la situation des labos, à l'époque, était dramatique, il n'y avait rien, absolument rien. On travaillait sur des surplus américains, donc il fallait tout partir, toutes les salles de laboratoire étaient vides. Et il a conseillé à Jean Brossel d'aller aux États-Unis se former, d'abord en Angleterre, puis aux États-Unis. Et Jean Brossel s'est initié alors à la physique moderne, à MIT, et il a eu des idées intéressantes partagées avec Alfred Kastler. Et quand il est revenu, ils ont démarré des expériences d'une beauté, d'une élégance extraordinaire, la double résonance, et un peu plus tard le pompage optique. Et c'est comme ça que le laboratoire est parti, LKB. Alors, on va revenir sur cette époque qui est absolument fascinante, et vous la racontez avec beaucoup d'émotion. De précision. Plus d'ailleurs quand vous parlez que quand vous écrivez, parce que quand vous écrivez, l'émotion elle est un peu entre les lignes, mais on la devine. Mais je voulais d'abord vous interroger sur le mois d'août 1945, vous étiez encore à Alger, au moment où on apprend que deux bombes atomiques ont été larguées par les Américains sur Hiroshima et Nagasaki. Oui. Et vous êtes celui qui connaît le mieux la science et on vous demande ce qui s'est passé. Oui, alors toute la famille dit, mais qu'est-ce que c'est que les atomes? Mais alors justement, qu'est-ce que vous-même vous saviez de la fission nucléaire? Non, très peu. Mais j'étais effrayé par cette bombe, comme disait, qui avait la puissance équivalente à 100 ou 1000 bombes ordinaires. C'était effrayant. Mais vous saviez, expliquer aux gens quoi elle était. Tu te rappelles, Gilles? Non, je me rappelle effectivement que cet événement des bombes a été quelque chose d'extraordinaire. Et on disait que c'était la bombe atomique, on ne disait pas la bombe nucléaire. C'était la bombe atomique, donc c'était quoi les atomes? Et donc, on s'est tourné vers Claude, qui avait 13 ans à ce moment-là, ou 12, 13 ans, mais qui nous a expliqué que les atomes, c'était des constituants de la matière, qu'on ne pouvait pas les voir, etc. Et ceci, on l'a accepté, mais... C'est mystérieux, quoi. Mais avec beaucoup d'émotion et d'effroi. Bon, alors, parce qu'effectivement, on voyait que la science avait l'air de déboucher sur des possibilités qui pouvaient paraître illimitées du point de vue de l'énergie. Mais c'est tout ce qu'on a pu dire. Effrayant. Mais c'était effectivement tout à fait effrayant. Bon, cela étant, nous approchions déjà en août 1945, la guerre avec l'Allemagne était terminée. Donc c'était déjà, nous entrions dans une période de paix, hein, donc incontestablement, et on a célébré ça, hein, on a célébré ça réellement, quoi, comme une libération. Hein. Mais moi je comprends ce que vous dites comme étant le fait que dès l'âge de 13 ans, vous étiez une sorte de référent, au moins pour la famille. Oui, pour la famille, en tout cas pour la famille, oui, bien sûr. Parce que quand il fait des études... avancé. Parce que moi-même, j'avais fait des études avancées. J'avais fait terminale, quand même. Oui. Et puis, commencer la classe de Mathieu. Il y a eu 45. Bon, mais en 55, alors Claude était déjà parti à l'école normale. En 55, il y a eu la mort d'Einstein. Et à Alger, il y a eu, bon, des tas de choses. Il y a eu quelqu'un, un professeur de physique, est venu faire une conférence dans une salle à Alger. Et mon père m'a amené à cette conférence. Bon, parce qu'il voulait comprendre. De toute façon, il n'avait pas d'autre source d'information que ce qu'il savait grâce à la carrière de Claude. Moi, disons, en 55, déjà, je pouvais quand même commencer à lui expliquer, mais il m'a amené pour écouter cette conférence à propos d'Einstein, parce qu'effectivement, il y avait le prestige d'Einstein qui était Einstein, absolument... C'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc, voyez, alors, par rapport à ce que vous disiez, qu'en 45, il était à 12 ans le seul référent de la famille du point de vue scientifique, mais c'est resté longtemps après. Et en fait, après Claude, moi j'ai un petit peu pu, 5 ans après, j'ai pris un peu le relais, surtout quand Claude était parti, il n'était plus là, donc il n'était plus à Alger, mais il était parti à Paris, à l'école normale, donc il en a pu prendre le relais. Mais cela étant, ce rôle des élèves, quand ils sont devenus, d'être les référents du point de vue de la science, ça s'est prolongé tout au long de notre existence. Ça, je crois qu'on a eu beaucoup de chance, parce que nos parents ont attaché l'importance extrême à l'éducation, à ce qu'on apprenait à l'école ou au lycée. Et pour eux, le plus important dans la vie, c'était de donner une éducation à leurs enfants. Et ça a été très précieux pour nous. C'est pas dans toutes les familles qu'on rencontre ce respect de l'éducation, de la science. Ça nous a marqué profondément. Vous racontez beaucoup d'événements assez dramatiques et qui ont jalonné votre enfance, votre adolescence. Oui. Et vous ne cessez de dire, on a eu beaucoup de chance, Mais c'est un peu ça. C'est pas évident. Je voulais revenir là-dessus parce que, par exemple, pendant tout notre cursus scolaire et au lycée, Claude, moi et ma sœur, ma sœur d'ailleurs, nous sommes les deux physiciens, mais elle est littéraire, professeur de lettres classiques, français, latin, grec. Bon. Et donc, voyez, l'ambiance dans la famille, c'était la chose suivante. Si l'un des enfants avait une composition ou une épreuve de... Toute la maison devait se mettre au service de cet enfant. C'est extraordinaire. Il était dispensé de vaisselle. Tout, si vous voulez. On vivait au rythme de la vie scolaire des enfants. Voilà, c'est ça vraiment qui était, quelque chose qui est, nous avons une reconnaissance à nos parents qui est infinie à propos de ça. Justement. Mais est-ce que vous avez utilisé les mêmes méthodes avec vos propres enfants? Oui, on a essayé, mais pas aussi bien. Pas aussi bien, non. Parce que maintenant, comme je l'ai dit dans le livre, à l'époque, il n'y avait pas de télévision. Eh oui. Donc, les repas à table, on discutait de ce qu'on avait fait à l'école. Et puis, on discutait un petit peu des événements. Maintenant, je vois mes petites filles avec... Et les écrans. Avec les écrans, et puis le téléphone portable, et puis c'est quand même... Et d'ailleurs, pour prolonger ceci, c'est-à-dire comme les enfants étaient un petit peu ceux qui étaient les référents de la culture, de la science, etc., nos parents ont eu la bonté de faire que... de nous donner en échange le fait... que, par exemple, il y avait une fête de famille avec un repas, avec des invités, etc. Nous étions complètement associés avec les adultes pour participer aux discussions sur tous les sujets. Les sujets scientifiques ou autres, mais aussi même les sujets politiques ou autres. Donc, c'est quelque chose qui nous a été donné par nos parents et qui est quelque chose d'extrêmement précieux et appréciable, quoi. Je voulais revenir sur cette personnalité d'Alfred Kastler, dont vous dites qu'il a été votre deuxième père. Oui. Donc vous commencez une thèse sous sa direction. Oui. Alors quel était le sujet ou l'intitulé de la thèse? Alors à l'époque ça commençait un petit peu à faire le pompage optique avait été réalisé un an ou deux ans avant. Et mon premier travail de thèse, ça a été d'enfermer les atomes de sodium dans une cellule en verre. Et de mettre dans la cellule en verre un gaz d'hélium. Alors, les atomes sont orientés par pompage optique. Et s'il n'y a pas de gaz d'hélium, ils vont d'une paroi à l'autre. Ils en font beaucoup, beaucoup de chocs. Et à chaque choc sur la paroi, ils perdent leur orientation gagnée par pompage optique. Alors, l'idée, c'était de mettre un gaz pour que, au lieu d'aller directement en ligne droite, d'une paroi à l'autre, Les atomes subissent des collisions, ils font une sorte de mouvement brownien, et le temps de passage d'une paroi à l'autre est allongé. Mais la question qui se pose, est-ce qu'ils ne vont pas se dépolariser par collision sur les atomes d'hélium? Et là, donc, moi, j'ai étudié le signal de pompage optique en fonction de la pression. Et le résultat, c'était qu'ils n'étaient pas désorientés. Et ça, c'était un résultat important, parce que on pouvait augmenter considérablement l'intensité du pompage optique en mettant un gaz qui augmentait, qui diminuait l'influence néfaste des parois. Ça, ça a été mon premier travail. Mon deuxième travail, quand j'ai vraiment commencé mon travail de thèse, ça a été en collaboration avec un autre chercheur, qui est Jean-Pierre Barra, d'essayer d'élaborer une théorie quantique du pompage optique. Parce que après, jusque-là, le pompage optique était décrit avec des images classiques. Donc c'est plutôt un travail théorique. Un travail théorique. Alors attendez, c'est l'époque où on commençait à comprendre la physique quantique en suivant des cours, les cours d'Alfred Kastner d'une part, et à Saclay, on allait toutes les semaines, dans un bus, Kastner, Brossel et puis tous les gens du groupe, suivent des cours qui étaient donnés par Anastasia Abraham, Albert Messia et Claude Bloch. Donc des gens qui avaient étudié aux États-Unis. Qui avaient étudié aux États-Unis, et Messia, comme vous allez dire, c'est le Messie. Il a écrit un livre qui faisait référence avant le vôtre. Il faisait un cours de mécanique quantique, il faisait un livre aussi. D'ailleurs, il nous distribuait des feuilles qui étaient les préliminaires de son livre. Et on a appris la mécanique quantique grâce à Messia. Par le Messia. On appelait le Messia. Le Messia 1, le Messia 2. Et Abraham aussi faisait un cours de résonance magnétique superbe. D'ailleurs, il existe un film qui a été tourné à cette époque où on vous voit suivant les cours de Messia avec d'autres. Ah, j'aimerais bien le voir. Mais oui, et c'est dans les archives du CEA et on vous voit tous fumer pendant les cours. Enfin, peut-être pas vous, mais ça fume beaucoup. Oui, ça fumait beaucoup. Donc on était déjà sensibilisés, on commençait à être un petit peu. Et on a fait avec Barras la théorie du cycle de pompage optique. Et ça a été quand même beaucoup plus approfondi. C'est là qu'on s'est rendu compte de l'importance des superpositions d'états. C'est qu'un système quantique peut être dans un état, il peut être dans un autre, il peut être aussi dans une superposition dans une somme. De deux états. C'est l'intrication. Et ceci conduit à des modulations des signaux, comme j'explique dans le livre, aussi simplement que possible. Et en faisant ce travail, je me suis rendu compte que la lumière était non seulement une source d'information sur les atomes, sur leur structure, mais qu'elle était aussi une perturbation, et qu'elle pouvait déplacer les niveaux d'énergie, les élargir. Et tout de suite, comme c'était quand même excitant, pendant la nuit de Noël, j'ai emprunté le montage expérimental, et puis on travaillait pendant plusieurs nuits, on a mis en évidence l'existence de ces déplacements des niveaux d'énergie. Kastner était extrêmement content. Alors, avec son sens de l'humour, où l'avait un sens de l'humour très développé, ces déplacements, le premier nom qu'on leur a donné, c'est light shift. Des shifts produits par la lumière. Un décalage, en fait. Et un des grands effets de l'électrodynamique quantique, c'est le lambe shift. C'est l'effet lambe. La prédiction par lambe du fait que l'atome interagissant, non pas avec un champ incident, mais avec les fluctuations du fil de la lumière, à ces niveaux déplacés. Et ça, c'était le point de départ de l'électrodynamique quantique. Donc, il appelait ça les lampes. C'est pour vous donner un peu une idée de. Bon, bref, vous travaillez beaucoup, mais vous amusiez beaucoup. C'était ça qui était sympathique. Et vous alliez travailler les soirs de réveillon. Oui, le soir de réveillon. Gilles. Ah oui, à ce propos-là, moi, ça s'est passé en 62. En 62, j'avais terminé mon service militaire et j'ai été embauché au CEA. Et j'ai commencé à travailler. Et d'ailleurs, là-dessus, vous disiez comment ça vous est venu. Moi, pour moi, c'était beaucoup plus facile. J'avais Claude 5 ans avant, donc ça me donnait la voix. Hein. Une formation interne. Il m'a dit, parce que quand je suis sorti de Polytechnique et que j'arrive au CEA, je voulais absolument faire de la recherche. Et je voulais le faire dans le domaine de la physique quantique. Pourquoi? Parce que Claude m'avait conseillé en 58 de lire le Messia. Donc j'avais lu le Messia. Et donc, la Bible. Et je l'avais lu, etc. J'ai arrêté tout le reste. Et je me suis mis à travailler là-dessus. Je suis entré en 62 au CEA, mais après 18 18 mois de service militaire en Algérie pendant la guerre, hein, donc j'avais un peu tout oublié. J'arrive en 62, le premier jour, j'ai le Messia sur la page 1 pour me remettre dans le Messia. Bon. Et puis, donc... C'était le jour où je passais ma thèse. Voilà, c'est le jour où je faisais sa thèse. Bon, alors j'ai assisté à cette thèse, j'ai vu Kastler, j'ai vu comment Kastler venait féliciter nos parents. Ah oui, moi, à propos de Claude, c'était quelque chose d'extraordinaire. Moi, ça a été une grave émotion, parce que bon. Kastler avait une aura. Il n'avait pas encore le prix Nobel, hein, Kastler. Ouais. Non, c'est 66, le prix Nobel. Lui et Brossel sont venus à la... Ils ont écouté ma soutenance, ils ont écouté les questions du jury, et puis, bon, ils ont tout assisté, puis à la fin, ils sont venus voir, j'étais au fond de la salle, bien sûr, et Kastler et Brossel sont venus leur serrer la main et les féliciter pour le travail de l'Afrique. Bon, ça, je me rappelle. Ils étaient terriblement émus. Je ne sais pas si vous n'avez pas les larmes aux yeux. Oui, bien sûr. Moi-même, j'étais terriblement ému parce que. Oui. Bon, on ne va pas arrêter avec l'émotion parce qu'on ne va pas tout arrêter, mais on va au moins arrêter de parler pendant 3 minutes parce qu'on va écouter le morceau de musique que vous avez choisi. C'est le concerto pour violon de Beethoven. Et puis nous reprendrons cette passionnante discussion après. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Magnifique concerto pour violon de Beethoven. Alors, lequel de vous deux la choisissez? Vous, Claude, je crois. Il y a une raison, à part le fait qu'il est sublime. Il est sublime, et puis, je trouve, il est inspirant. Moi, j'aime beaucoup la musique. D'ailleurs, j'aime beaucoup écouter la musique quand je travaille. Musique classique, j'imagine. Musique classique, et vous-même, Gilles? Oh oui, j'aime aussi. Non, mais surtout ce concerto, hein, qui est archi connu et célèbre. Mais moi, j'ai trouvé... Là, d'ailleurs, juste de Tintin, c'est l'arrivée du violon. Dans oui. C'est quelque chose de vraiment sublime. Enfin bon. Chez vous, les émotions sont très fortes. Oui. Et contenues. Oui. Est-ce que je résume bien la situation? Tout très exactement ça. Donc vous parliez avec beaucoup d'émotion d'ailleurs de votre soutenance de thèse quand Alfred Kessler vient féliciter vos parents. Et Jean bon, Brossel, oui. Jean Brossel aussi a beaucoup compté comme personnage. Non, mais je crois bien, très modeste, très. Là, vous dites qu'il a soufflé, il a soufflé du verre. Du prix du lauréat, du jury Nobel, alors, de ne pas l'associer à Kessler. Alors Kessler a le prix Nobel en 66 et vous montrez une photo qu'on trouve d'ailleurs aussi dans le livre de Serge Haroche, que j'ai reçu il y a quelques semaines. Et on vous voit tout jeune, on voit Alfred Kessler rayonnant, Jean Brossel qui est au premier, au premier rang. Ce qui est merveilleux dans ce laboratoire quand même. En 50 ans, il y a eu 3 prix Nobel. Kessler, moi-même et Serge Haroche. Donc il y a une filiation. Vous en 97, Serge Haroche en 2012. C'est quand même une véritable filiation, c'est rare. Mais ça veut dire que si on veut avoir le prix Nobel, il faut travailler avec un prix Nobel. C'est ça? Non, mais c'est surtout l'ambiance qui compte. Et Kessler a su, je crois, a su créer une ambiance tout à fait exceptionnelle. On vous voit avec une cravate, là, très élégant. Je ne l'ai pas encore. Et on voit également Serge Haroche et Franck Laloé. Oui, Franck Laloé. Alors, je voudrais aussi l'associer parce que c'est avec lui et Bernard Duc que nous avons écrit un nouveau livre de mécanique quantique. Qui a remplacé un peu le Messia. Ouais. En 3 tomes. Donc c'est 1500 pages. Et donc on a vraiment beaucoup travaillé. Qui a un grand succès. La deuxième Bible. C'était la deuxième Bible, on pourrait dire. Il a été traduit en anglais, en allemand, en russe et maintenant en chinois. Maintenant en chinois. Oui. Et qui fait référence, et d'ailleurs vous l'avez complété par un troisième tome tout récemment. C'est le troisième tome, bien sûr. Alors c'est une question assez fondamentale, c'est en quoi votre vision de la mécanique quantique a-t-elle changé entre le moment où vous l'avez découverte, donc dans les années, disons, 60, et puis aujourd'hui? Est-ce que vous avez changé votre façon de la considérer? Oui, parce que tout était... Je crois que la mécanique quantique nécessite une réflexion continue. Il faut constamment... Et je pense que l'enseignement est quelque chose de fondamental. Et je crois que tous les chercheurs devraient aussi enseigner. Parce qu'on ne comprend jamais aussi bien un domaine de physique, si on ne l'enseigne pas. Et le fait que j'ai enseigné la mécanique quantique pendant près de 50 ans, hein, d'abord en université, ensuite au Collège de France, pendant 30 ans, c'est ça qui m'a permis de sentir cette discipline. Et vous êtes d'accord avec cet avis, Gilles? Tout à fait, tout à fait, parce que je pense que là, le rôle de l'enseignement a été quelque chose d'essentiel, et en particulier pour Claude, je pense que son passage au Collège de France, avec la nécessité de faire un cours différent tous les ans, chaque année, pendant 30 ans, c'est quelque chose qui donc permet de mesurer et d'avoir concrètement, de voir comment évolue la compréhension qu'un grand chercheur peut avoir du domaine qu'il fait et que l'on va retrouver après dans son livre. Vous voyez, le troisième tome est arrivé beaucoup plus tard. Il n'est sorti que récemment, là, il y a 2 ans. Il y a énormément de choses. Et en fait, ce qui est assez extraordinaire, moi, que j'ai trouvé personnellement particulièrement important, c'est que il faut arriver au dernier appendice du troisième tome pour avoir quelque chose sur ce qu'on appelle l'intégrale de chemin, qui est une nouvelle façon de comprendre la mécanique quantique qui a été initiée par Feynman et qui est à l'origine de tous les progrès en théorie quantique des champs et moi, donc en physique pour des moi, particules. Feynman, c'est aussi... Une idole. Une idole, quoi. Bon. Et donc, il faut grand arriver grand pédagogue, là, comme vous. Grand pédagogue. Il faut arriver à la fin de ce troisième tome avec cet appendice où on retrouve le cours que Claude avait donné en DEA. Sur l'intégrale de chemin et dont les notes avaient été rédigées par Serge Haroche. Oui, Serge Haroche, comment c'est? Incroyable. Comment c'est son travail de thèse avec moi? C'était mon premier élève. Et je faisais ce cours de deuxième année, de troisième cycle, un cours avancé. C'est un cours, et c'est lui qui l'aurait dit. Et j'ai gardé le poli. C'est là aussi, quoi. C'est là que j'ai retrouvé ce cours. Et je l'ai retrouvé dans le troisième tome. Donc, vous voyez, donc, en fait, cette continuité, ce travail de longue haleine, de sans arrêt se remettre en question, absolument. Ça, c'est quelque chose de formidable. En tout cas, donc, pour répondre à votre question, est-ce que notre vision a changé après? Est-ce que la vision de Claude? Mais bien sûr qu'elle a changé. En permanence. Et quand vous pensez à un atome, par exemple, l'atome d'hydrogène, qu'est-ce que vous voyez, Claude, je l'entends. Je vois un petit noyau, puis des électrons qui s'agitent autour. Ça, c'est ce que voient aussi les collégiens, donc il doit y avoir une différence mais quelque bon, part. L'important, c'est quand même que ce mouvement est quantifié. C'est pas un mouvement classique. Il faut le voir différemment. Alors, plutôt que les particules dans le noyau, vous voyez plein de choses. Ah ben, bien sûr. Des quarks. Mais pour revenir à l'atome, là, par exemple, Claude a introduit un concept très important dans la physique, c'est le concept d'atome habillé. Et donc, il y a l'atome habillé, et j'avais trouvé, en fait, l'idée, c'est qu'il est, on peut dire que l'atome est habillé de lumière. En fait, ça veut dire que l'atome est en permanence dans un nuage. Il émet le photon. Il émet, sinon, il réagit. Pas la bonne énergie correspondant à la transition, c'est pas permis. Donc il est obligé de réabsorber. Il réabsorbe. Donc voilà. L'atome est entouré par un nuage de photons émis virtuellement. Réabsorbé. Voilà. Donc il est habillé de lumière. Alors, c'est presque de la poésie. Quand Claude était en train de rédiger son livre, j'en discutais beaucoup avec lui. Et je lui avais même suggéré un titre qui aurait été « Habillé de lumière les atomes ». Mais il n'a pas été retenu parce qu'il y avait le mot « atome » et que le mot « atome » est un peu trop nucléaire. Ça n'avait pas été retenu, pas par nous, hein, mais ça n'avait pas été retenu par l'édition. Alors vous racontez, Claude Coetinju, dans votre livre absolument délicieux, une anecdote à propos de Kastler pour montrer son mépris des conventions et puis aussi des institutions, puisqu'il n'a été élu à l'Académie des sciences qu'un an avant de recevoir le prix Nobel. Et vous racontez ceci, je vous cite, « Il a alors fait un calcul et s'est rendu compte que l'âge moyen d'entrée à l'académie devenait de plus en plus élevé et qu'il croissait plus rapidement que l'espérance de vie des membres. Il a alors publié une note au compte-rendu de l'académie où figuraient deux courbes, l'une donnant en fonction de l'année l'âge moyen d'entrée à l'académie, l'autre l'espérance de vie. Il montrait que les deux courbes se croisaient de sorte qu'à partir d'une certaine époque, on entrerait à l'académie uniquement à titre posthume. » Vous imaginez le scandale que ça fait. Lui, il n'hésitait pas. Mais vous dites, il y a eu un scandale en effet, mais cette note a contribué à changer les règles de fonctionnement de l'académie. Un âge maximal a été fixé pour les nouveaux élus. Et voilà, il n'hésitait pas à jeter le pavé dans la mare. Il y avait beaucoup de courage. Et il y a aussi, je crois qu'on en discutait hier avec mon frère, au moment de l'OS, qui était terrible, il était menacé. Il était menacé par ses positions un petit peu avancées. Et donc, on était très inquiets au labo, et on s'était réunis, et tous les jours, on l'accompagnait à son domicile. Pour lui servir de garde du corps? Et même pour monter la garde de la nuit, parce qu'ils avaient peur qu'il y ait des attentats contre lui dans la nuit. C'est-à-dire l'affection qui nous lie à lui. Ça, je ne l'ai pas raconté là, je vais le raconter. Bon. Non, mais il faut faire une deuxième édition de ce livre. À partir de tout ce que vous dites dans l'émission, qui est passionnant, on en vient peut-être, parce que le temps avance et il faut évidemment évoquer votre prix Nobel, celui de 97. Vous racontez le coup de fil que vous avez reçu le 15 octobre 1997. Vous étiez chez vous à préparer un cours, le téléphone sonne, vous décrochez, et à l'autre bout du fil se trouvent Erling Norby et Carl Nordling, qui sont les présidents du comité Nobel, et vous racontez l'émotion, évidemment, que vous partagez avec votre épouse Jacqueline, qui pleure, d'après ce que vous dites, grand moment d'émotion. Oui, c'est... Vous essayez d'appeler vos enfants pour leur annoncer la nouvelle, ça ne répond pas. Et puis, les journalistes sonnent à la porte et vous racontez toutes les sollicitations qu'un tel événement induit, notamment que vous recevez une demande de conférence à une réunion de neuropsychiatres spécialistes de la maladie d'Alzheimer. Et vous dites, ça m'a un peu inquiété, je me suis demandé si une telle invitation n'était pas due au fait que je présentais déjà des signes avant-coureurs de ses naissances. Mais qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, le prix Nobel ? C'est une énorme perturbation. J'en suis encore toujours sous le coup, parce que j'ai constamment des demandes de rapports, de lettres, de candidatures. d'invitations. Alors maintenant, j'ai diminué un petit peu, parce que, bon, il faut quand même pas... J'ai 87 ans, je ne peux pas continuer ce rythme. Mais en moyenne, j'avais 15 voyages par an. Au Japon, en Corée, en Australie, en Chili. Donc c'est épuisant, parce qu'il faut donner une conférence, revenir. 15 conférences par an, donc à l'étranger. Donc, j'essaie de diminuer un petit peu. Et puis, il y a toutes les... Maintenant, avec le mail, c'est épouvantable. Parce que tout mon mail, je me dis, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête? Il y a l'angoisse de l'ouverture de la boîte mail. Oui, oui. Oui, c'est exactement ce qui est l'angoisse. Maintenant. Gilles, vous étiez évidemment présent à la cérémonie. Ah, oui. À Stockholm, qui a eu lieu... Ce que je voudrais dire, c'est que il y avait beaucoup de signes avant-coureurs. En 97, qui disait que le prix Nobel allait lui être attribué. Et je dois dire, moi, j'étais au CEA, j'étais adjoint au directeur des sciences de la matière, hein, à l'époque, et je regardais le site de Nobel, je me demandais si ça allait être annoncé. Et quand ça a été annoncé, j'ai poussé un hurlement à tel point que les gens dans le labo se sont demandé ce qui se passait. Soyez honnête, Claude Coindel, vous y attendiez un jour ou l'autre. Non, mais c'est difficile de prévoir. On ne peut pas prévoir l'année, mais le fait c'était un peu à la mode. Hein, c'était un peu à la mode. Il y avait beaucoup de travaux, beaucoup de publications. Et puis les chiffres étaient impressionnants. La température avait baissé jusqu'au... Sur les atomes froids, alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce que c'est qu'un atome froid? Comment est-ce qu'on refroidit un atome? Alors, si vous voulez, le fait que la lumière peut agir sur les atomes, c'est une conséquence des lois de conservation. Quand un photon est absorbé par un atome, pour monter dans un autre état, l'énergie totale est conservée, la quantité de mouvement total est conservée, et puis le moment cinétique total est conservé. Alors, si on regarde en physique classique, si on a une cible et qu'un projectile arrive sur la cible et qu'il se colle dessus, la cible recule. Quand un atome est là, qu'il absorbe un photon pour passer dans un niveau supérieur, il recule. Donc on peut changer la vitesse d'un atome en l'éclairant avec de la lumière résonante. Et si on l'éclaire de tous les côtés, on va finir par... Presque les immobiliser. On arrive à les immobiliser. Donc là, on va dire... La température qui mesure l'énergie d'agitation est 100 milliards de fois plus basse que l'énergie d'agitation des atomes dans l'air qui nous entoure. Donc, à ces très basses températures, on peut faire des mesures extrêmement précises. Parce que plus longtemps on peut observer un atome, donc plus longtemps il vit, plus précises sont les mesures. Donc c'est pour cette étude fantastique que vous avez le prix Nobel. Oui, avec deux autres collègues américains. Atome froid, d'ailleurs, au pluriel, ça, c'est une belle anagramme qui devrait vous intéresser. Atome froid pour anagramme motif adoré. Et on peut quand même dire que ce sont des choses que vous avez, peut-être pas adorées, en tout cas sur lesquelles vous avez passé des milliers d'heures, j'imagine. Il y a des anecdotes passionnantes dans votre livre, Claude Coindel, notamment les fameuses rencontres à l'école des Ouches, tout près de Chamonix. Vous montrez une photo dans laquelle se trouve... Vous imaginez Paoli. Oui, Paoli. Paoli pour... Wolfgang Paoli. C'est pour ça. Paoli, c'est un peu comme Einstein. C'était le fils spirituel d'Einstein. Ouais, Einstein avait dit que c'était son Valzone, son fils spirituel. Zweistein. Deux mois avec Paoli. Deux mois. Alors comment est-ce qu'il était? Parce que vous avez une photo de lui, il était un petit peu gros. Oui, il n'était pas très alpiniste. Je me souviens, j'en ai pas parlé, j'ai pas osé, mais on faisait la cuisine nous-mêmes. Hein. Je me rappelle Paoli pelant les pommes de terre. Ah, il n'y a pas de photo, dommage. Non, mais il est là. Oui, il y a une photo, mais il n'est pas en train de peler des pommes de terre. Il est avec Uhlenbeck. Uhlenbeck, c'est des trucs sur le spin. Sur le spin. Ouais. Et d'ailleurs. Et puis, l'année où j'étais, la première année où j'étais, il y avait Schwinger. Schwinger, qui était le pape de l'électrodynamique quantique, avec Feynman. Eh bien, il était là aussi. Et lui, il travaillait très tard la nuit. Il se levait. Il voulait dormir tard le matin pour rattraper le sommeil. Il y avait les vaches qui passaient. C'est un scandale. Mais donc, comment est-ce qu'il était Paoli, du point de vue de la personnalité en groupe? Parce qu'on le présente souvent comme quelqu'un d'assez sarcastique. Oui, c'est vrai, c'est sarcastique, mais bon. On était paralysés, si vous voulez. Paoli, c'était le bon Dieu. C'est donc, pas que toi t'es passé aux Ouvres aussi plusieurs fois. Ah oui, non, il y a beaucoup d'anecdotes à propos de Paoli. En particulier, quand il était très malade, à la fin de sa vie, il était dans une chambre d'hôpital. Et quand il y avait des gens qui venaient lui rendre visite, il disait, regardez le numéro de ma chambre, c'était 137. Ah oui, le 137, c'est l'inverse de la constante de Souffle. Il avait un peu obsédé pendant toute sa vie. Ouais. Voilà, donc, mais cela étant, il était extrêmement rigoureux et tout à fait contre les vulgarisations trop simplifiées. Quoi. Donc il faisait très très attention. Il était remarquable. C'est... Comment moi, je n'ai pas eu le chance d'être à une session, il y avait Feynman. Oui. Aussi il est venu à l'école des Ouches. Oui, bien sûr. Tous les grands. Einstein, je crois pas qu'Einstein soit venu. Ils ont passé aux écoles des Ouches. On y passait deux mois, à travailler. À suivre des cours. Mais est-ce que vous avez des vacances d'été puisque bon. Vous étiez à l'école des Ouches. Ensuite, au Collège de France, vous prépariez vos cours de l'année pendant les mois de juillet et août. Là, j'ai eu la chance d'avoir aussi une maison appartenant à ma femme et sa famille à Faverges, un petit village. Et c'est là que j'ai fait préparer mes cours. Et comme je l'ai dit dans le livre, quelque chose qui m'a beaucoup touché et ému, c'est que l'école de Faverges de la Tour a pris mon nom. Ça s'appelle maintenant l'école Claude Cohen-Sanoussi. Et ce qui est amusant, c'est que 3 km à part, plus loin, il y a notre petit village qui s'appelle Dolomieux. Et c'est là que vivait Élie Carton, qui était le fils du maréchal Ferrand. Et une fois, je suis allé, parce que Henri Carton, qui avait été mon professeur de mathématiques à l'école normale, m'a demandé de lui rendre visite. Il m'a montré la maison, il m'a montré la force, où travaillait son père, et son bureau. C'était pour moi aussi quelque chose. Parce que Élie Carton, c'était vraiment un très grand mathématicien. Et le lycée de la Tour du Pin, dont dépend Faverges, s'appelle le lycée Élie Carton. Donc la physique et les mathématiques sont rassemblées à 3 km de distance. C'est très émouvant, ça veut dire que dans le cœur de la France, dans les petits villages où il y a les vaches, les poutres, on voit quand même, il y a un respect pour la science. J'ai une autre question, Claude Canjou, que vous évoquiez brièvement dans votre ouvrage, mai 68. Comment ça s'est passé pour vous? Vous dites que vous avez donné des cours en Ardèche, dans la salle paroissiale. Oui, non, parce que on n'avait pas pu finir les cours. Donc vous avez... On a décidé d'aller continuer, et puis les étudiants étaient ravis. Et là, j'ai noué des amitiés très, très solides avec certains étudiants que je continue d'avoir. En Ardèche. J'ai fait un cours en Ardèche. Et vous-même, Gilles? Je rajoute un petit mot à propos de Faverges de la Tour. J'avais d'ailleurs aussi, quand on discutait de titres possibles pour le livre de Claude, je me disais qu'on aurait pu l'appeler de Constantine à Stockholm en passant par Faverges. Pourquoi? Parce que Faverges, par exemple, le fait qu'il le dit d'ailleurs dans le livre, c'est que ses cours du Collège de France, il fallait les préparer chaque année. Eh bien, il les préparait à Faverges. Vous voyez, il était pas seulement, à Paris. Pas seulement, mais enfin, pour beaucoup, il les préparait à Faverges. Donc, et cet aspect de la plaque, de donner le nom, j'ai été à la cérémonie, on a été extrêmement ému, mais en tous les cas, ça montre aussi un fil conducteur du livre de Claude, c'est l'école de la République. Ça, vraiment, vous dites que vous êtes un pur produit de l'école de la République. C'est un pur produit de l'école de la République. Et je trouve qu'en ce moment, c'est bien de le signaler. Et moi, vous savez, j'ai été très ému ces jours-ci. La radio parle beaucoup du malheur qui est arrivé à l'école de la République. Et il cite une phrase de Camus dans son livre « Le premier homme » où il dédie son prix Nobel à son instituteur. Absolument. C'est magnifique. Parce que son instituteur, c'est lui qui l'avait repéré, et c'est lui qui est allé voir sa mère, qui était femme de ménage, et qui a dit, je prends charge l'éducation de votre fils, il est très doué, il faut continuer. Ça, je trouve ça magnifique. Oui, et en effet, c'est un témoignage qui mérite d'être rappelé en ce moment, notamment. Oui. Mais est-ce que vous parlez entre vous, Gilles et Claude, souvent de physique, de politique. Ah oui, qu'est-ce qui fait que vous, Gilles, vous avez choisi plutôt les particules élémentaires plutôt que l'atome? Moi, c'est très simple. C'est à cause de Messiaen. Parce que j'y avais lu le Messiaen. Le premier livre, c'est celui de Messiaen, qui était plutôt dans la mouvance physique nucléaire, physique des particules, alors que celui de Claude Laloux, c'est plutôt la physique atomique. Donc moi, l'idée, c'était d'aller travailler chez Messia. Et alors, je dois dire, je suis arrivé là, dans ce labo, et j'ai eu une chance extraordinaire, parce que en 64, j'ai signé deux papiers avec Messia. Alors ça, c'est quelque chose, moi. Et ça, j'en suis reconnaissant à Claude. Parce que c'est Claude qui m'a conseillé. Il m'a dit, si tu fais de la recherche, va à Saclay, parce que là, il y a Messia. En gros, c'était ça, quoi. En gros, c'était ça. Voilà. Ça montre l'importance que peut avoir un enseignant. C'est-à-dire que un enseignant, puis les rencontres aussi qu'on peut faire, sont des aiguillages qui peuvent être décisifs. Oui. Et donc, vous considérez l'un et l'autre que vous avez finalement eu beaucoup de chance? Oui, énormément. Et est-ce que vous parlez de politique? Vous parlez un peu de ce qu'on a appelé le drame algérien? Bien sûr. Bon, on en discute comme dans toutes les familles, quoi, mais sans plus, quoi. Mais disons, par contre, la discussion sur la physique, sur le regard sur la physique, c'est quelque chose d'extrêmement important dans nos rapports, extrêmement important. Vous avez fait des conférences ensemble? Si, une fois, oui. À Troyes. Oui. À trois. Alors, c'était l'inauguration du centre Rachi à Troyes. Nous avons été invités et nous avons fait quelque chose ensemble, deux exposés. Puis nous avons eu une autre occasion de faire quelque chose ensemble. C'est une croisière qui a eu lieu en 2013, en 2012. Avec le thème les grands récits de l'univers, avec en particulier Michel Serres. Et donc, nous avons passé là. Alors, Claude, qui était invité là, et les grands récits de l'univers, a dit, moi, je ne connais pas tellement la cosmologie, est-ce que vous ne devriez pas inviter mon frère Gilles? Et c'est comme ça que j'ai pu être invité à cette croisière. Et là, j'ai un souvenir de ça absolument fabuleux. En fait, ce qui vous unit, c'est d'une certaine façon, au sens propre et au sens figuré, la lumière. Puisque oui. La lumière en cosmologie joue un rôle évidemment décisif. C'est pour ça que ça s'appelle sous le signe de la lumière. La lumière est un objet physique fascinant, étant aussi une espèce de rayonnement qui nous tombe dessus, nous améliore. Il y a des lumières aussi. D'ailleurs, ça me donne envie de citer une dernière anagramme, si vous permettez. Ah oui. Parce que si vous prenez et les particules élémentaires, ça a pour anagramme qui sert l'espace et la lumière. Waouh. C'est peut-être le moment de conclure, non? Très belle. Je regrette de devoir conclure parce qu'on aurait pu parler comme ça pendant des heures. Je recommande la lecture de votre livre, Claude Coentanougi, Sous le signe de la lumière. Itinéraire d'un physicien dans un monde quantique. Je vous recommande aussi d'en faire une deuxième édition en complétant par toutes les anecdotes que vous avez racontées aujourd'hui. Je vous remercie à tous les deux d'être venus ensemble. C'est extrêmement important de sentir l'espèce d'enthousiasme qui a porté vos vies. Merci aussi pour ma part. Odile Jacob qui m'a invité à écrire un livre dans sa collection. Qui vous a forcé à écrire. Prestigieux. Oui, elle a beaucoup insisté pour écrire depuis des années. Merci à vous deux. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Mathieu Leroux et à la réalisation Anna Holweck. Tout de suite, c'était dans quelques instants, vous retrouvez Olivia Gesbert pour En français dans le texte.